Peau rouge c'est peau blanche, roman de Henri-Émile Le Chevalier, lecture par Amina Grobis pour le compte de audiocité.net sous licence creative.commode.org. À Monsieur Émile Deschamps. Vous aussi, mon cher poète, si doux, si aimable, vous, l'une des gloires de la France et le charme de notre petite colonie Contrex et Villoise, vous avez conspiré avec mes amis et m'avez imposé une tâche bien lourde. Histoire anecdotique du Canada, haute responsabilité. Ne succomberai-je pas sous le fardeau? Pour m'encourager, pour me soutenir et peut-être me garer en cas d'échec, je place l'œuvre sous votre patronage. En voici le premier volume, acceptez-le. Et croyez, quel que soit d'ailleurs son sort en ce wide, wide world, mon amitié la plus sincère. Signé Henri-Émile Chevalier, Contrexéville, Vosges, juillet 1864.